Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, ce qui reste, les mille et une vies de nos objets. Une série de Laetitia Druard, réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a tous ces bidules dont on se demande pourquoi on les garde et aussi tout ce qu'on trouve sur le rivage, qu'on choisit de ramasser, de laisser au fond de sa poche ou de laisser et qui raconte toute une histoire. Alors pour commencer, les personnages. Un artiste de la récup, des bénévoles qui nettoient la côte, un navigateur sur l'océan de Plastoc, un historien du pays pagan et des glaneurs. Ensuite, le décor. La Bretagne, la plage, les rochers, des grottes, des containers, des téléphones abandonnés, des larmes de sirènes, des casiers, des filets de pêche, des pacaderies, le rail de Ouessant et la mer qui avale et qui recrache. Aujourd'hui, 4e épisode, on est dans un entrepôt. Alors on est dans le local des Vultensous. En fait, c'est un ancien transformateur électrique désaffecté dans lequel on met nos trouvailles, nos gants, nos sacs, nos cônes pour ramasser les mégots. À côté de vous, vous avez une collecte de mégots, une journée de collecte de mégots, 3000 mégots à peu près. Fortune de mer. Là, vous avez un pot de chambre que j'ai trouvé dans la Ria du Conquet. C'est une fabrication de faïence des années 1850. C'est aussi un déchet. Donc voilà, on essaie de garder... Pourquoi un déchet, alors ? Parce que, est-ce que vous avez vocation à trouver un pot de chambre sur un littoral ? Non ? Voilà, de temps en temps, on pense à garder les choses pour ensuite les donner à voir. Et là, vous avez quelques trucs des premières années des nettoyages de plage des Vultensous. Vous voyez, on trouvait des vieux morceaux de bois, de bateau, c'était joli, hein. C'est vraiment plus ce qu'on trouve pendant nos nettoyages. Là, c'était presque des objets d'antiquité. C'était des objets touchants. Et maintenant, c'est des objets problématiques. Les océans, traditionnellement, ils constituent une image de l'ailleurs, de l'extérieur, du sublime. Baptiste Mont-Saint-Jean, sociologue. Pendant très longtemps, en tous les cas jusqu'aux années 70, pour un cas auquel je pense qui est le cas de la gestion des déchets en Amérique du Nord, à New York, l'océan a été utilisé comme un exutoire privilégié pour nos déchets. On récupérait une partie de la production détritique dans les villes et on les mettait sur des grandes barges qui partaient de Manhattan, en l'occurrence à New York, et on venait déverser ces tombereaux de déchets dans l'océan. Ça a été le cas aussi pour tout un tas de déchets réputés toxiques ou plus tardivement les déchets radioactifs. On a utilisé un certain nombre d'espaces océaniques, des hauts plateaux océaniques, comme espace de stockage de déchets qui étaient dangereux pour la vie terrestre. Donc un peu à la façon dont on a rempli des trous tout au long du XXe siècle, on a utilisé l'océan, mais avant l'océan peut-être les ruisseaux, les rivières, comme des exutoires privilégiés, des moyens de faire partir de l'espace de vie un certain nombre de choses qui n'y trouvaient plus leur place. On pense à l'activité de tannage ou des tanneries qui effectivement ont besoin d'un ruisseau pour laver les peaux et qui, on le sait maintenant, dès le Moyen-Âge, génèrent des grandes pollutions dans les milieux naturels. Donc l'eau... Et donc tout le réseau aquatique, de la rivière jusqu'au milieu océanique, c'est cet ailleurs, c'est cet extérieur disponible, ou a priori disponible. Et puis un renversement s'effectue, probablement aux alentours de ce qu'on a effectivement mal appelé le tournant environnemental des années 70, où à cette idée d'un espace infini, sans limite, on a été à nouveau confronté à l'idée de ce monde clos, qui n'a pas de limite extensible à l'infini. Et l'océan fait partie de ce monde-là. On passe à un océan perçu, décrit, représenté sur le mode d'un milieu naturel qui, même s'il est gigantesque, est limité et donc vis-à-vis duquel il s'agit d'être très vigilant sur ce qu'on y dépose, sur ce qu'on y met, sur ce qu'on y, sur nos interactions. La plus vieille pièce, quand même. C'est Charlot qui a trouvé ça, tu l'as vu, toi ? Le sifflet de poilu ? Ouais. Sifflet de poilu à Porski. Donc c'est un peu plus de 100 ans. Ça fait un trésor dans le coffret à trésor. Ouais. On n'a pas essayé de siffler dedans, donc je ne peux pas vous dire s'il est... Alors est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est faire. C'est un sifflet qui est en... Ça a l'air de, du bronze. Bon, du bronze, hein, je pense. Mmh, c'est ce qu'on avait l'impression de voir. Qui apparemment était le modèle usité dans le pactage des poilus. Donc c'est un déchet qui a plus de 100 ans. À notre connaissance, c'est le plus vieux déchet qu'on ait trouvé. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'on aurait trouvé des déchets plus vieux, il aurait fallu qu'on contacte l'archéologie maritime. Donc, tout va bien. Comment vous faites pour reconstituer l'histoire de certains... Là, vous êtes adressé à qui pour ça ? On a l'œil, on se rend compte qu'on a affaire à des choses anciennes. Donc, quand il s'agit de déchets plastiques, on regarde partout si on trouve une date, un lieu, un nom de marque. Ou... Et ensuite, on regarde sur Internet. On a des réseaux de ramasseurs, de nettoyeurs de plage qui connaissent vraiment très très très bien tous les types de déchets qu'on peut trouver. Et donc en général, quand on ne sait pas ce à quoi on a affaire, ce qui était le cas la première fois qu'on a trouvé notre fameuse petite fiole de la Deuxième Guerre mondiale, une fiole en bakélite, on a posté la photo immédiatement, tout le monde a dit « Ah oui, ça c'est un déchet qu'on trouve dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est la fiole du DSS en fait ». Donc très très rapidement, on a des réponses à nos questions. Et ça, en revanche, ça me semblait assez clair que c'était un sifflet militaire. Donc c'est moi-même qui suis allée sur un site de Militaria et qui ai trouvé l'info. Il y a des gens de partout. Il y a même un jeune homme, Fabrice Aaron de Kisangani, qui est en Finlande. Il y a des Américains. Il y a beaucoup, beaucoup d'Espagnols et de Portugais qui font face à des pollutions énormes sur la côte atlantique et qui connaissent donc très, très bien tous ces déchets récurrents qu'on appelle des traceurs ou des marqueurs. Et leur histoire, leur lieu de provenance. En fait, tous les déchets ont une typologie en fait, des déchets qui permet de trouver des lieux et des dates. Nous sommes les Villes Tansou. C'est une association de nettoyage de plage qui a été fondée il y a 20 ans. Claire Simonin. Ah, Villes Tansou, ça veut dire les coquins. En fait, c'est des sortes de petits elfes des forêts bretonnes, donc qui sont très actifs, très agités. Et voilà, à la base, c'était une bande de jeunes qui avait créé ce truc-là. Les Villes Tansou nettoient les plages de la pointe du Finistère. D'abord les plages du Conquet, ensuite également les plages de Plougonvelin, la commune limitrophe. Et puis on fait des incartades ailleurs, comme ici à Plouarzel, qui est une autre commune limitrophe. Avec pour principe de se réunir une fois par mois pour faire un nettoyage pendant 2-3 heures. Et ensuite de trier pour compter, pour avoir des données. Et donc on a ces données depuis 20 ans. Voilà, ben vous voyez, mes petites bêtises, je les fais même sur mes portes. Ça, c'est du pincé ? Ben ça, oui, c'est du pincé, des petits galets en briques. Les bras sont faits avec un mélange de mastic et de colle que je colore. J'utilise absolument tout ce qui me tombe sous la main et que je ramasse sur la plage. Voilà, ce qu'on appelle le pincé, qui est un mot breton qui signifie épave et naufrage. Je suis architecte, j'ai été militaire et c'est l'armée qui m'a donné la possibilité de faire l'école spéciale d'architecture. Et donc, cette maison, ben, je l'ai fait avec. J'ai fait plusieurs maisons, une trentaine à peu près. On est dans votre maison ? Oui. Alors, mes petits-enfants ont compté le nombre d'œuvres, ils n'arrivent jamais au même chiffre. Ça se situe aux alentours de 800. Entre les tableaux, ce qu'on appelle des tableaux assemblages, des sculptures et des installations. J'ai cet atelier depuis un peu plus de 20 ans, 25 ans à peu près. Et initialement, c'était un atelier où on stockait du petit goémon. Le petit goémon, celui qui sert à faire des produits de beauté et des aliments. Bon, moi, quand je l'ai acheté, j'en ai fait donc un atelier de pincé. Alors, moi, depuis ma jeunesse, depuis la guerre, puisque en 1944, j'avais 10 ans, j'allais avec les grands-parents ramasser du pincé sur les plages. C'était pour se chauffer. À l'époque, on n'avait pas de quoi se chauffer. Et on trouvait beaucoup de bois flotté à l'époque. Il y avait beaucoup de bois. Et aussi, les chargements tombaient en mer. Quand il y a une tempête, les chargements de bois tombent en mer et on les retrouve sur la plage. Les gens sont très friands de ça, des poutres, des madriers, etc., pour construire leur maison. C'est ainsi que dans les îles environnantes, l'île Molène et l'île Ouessant, presque toutes les maisons ont été construites avec du pincé. Et les meubles sont faits avec le plus beau du pincé bois, quoi. Alors, on appelle ça aussi le bois flotté. Mais on appelle ça aussi, dans certains coins, comme par exemple à Sarzeau, fortune de mer. Je trouve que c'est joli. Fortune de mer, ce que la mer rejette sur l'estron. Et mes trésors, je les entassais dans un local en disant « un jour, j'en ferai quelque chose ». Et j'avais déjà la passion de faire avec des petites sculptures, des choses comme ça, quoi. Le tas qui est là-bas, c'est ce que j'ai ramassé récemment. On trouve énormément de cordages, des filets. Vous voyez, il y a presque ça. Mais j'ai trouvé aussi récemment des petits morceaux de briques. J'en ai des quantités, je les ai stockés là-bas. Du bois, j'en ai trouvé un peu, mais pas beaucoup. On avait, avec ma femme, on avait tout stocké par couleur et par matière. Tous les plastiques sont là, vous voyez, les noirs, les rouges, les jaunes, etc. Là, c'est un morceau de métal. Et ça, on trouve du polystyrène, beaucoup. Et avec le polystyrène, moi, je sculpte. Ça se sculpte très facilement. Et je le durcis et je lui donne l'aspect. Ben là, elle n'est pas finie, la couleur n'est pas. J'essaye d'avoir une couleur qui est cohérente avec le métal, vous voyez, mais donc c'est pas au point. Mais j'ai mis du sable, c'est-à-dire que je mets de la colle à bois sur le polystyrène, je mets plusieurs couches de soit de sure de bois, soit de sable pour le durcir, et ça devient très très dur, comme un morceau de bois. Alors, tout l'art, c'est de trouver des souches qui ont une certaine gueule, que je prolonge par ces têtes. En fait, ce sont des déchets, d'ailleurs... Ma mère était catastrophée parce que ma mère disait « Quand je pense que tu faisais de la peinture à l'huile et maintenant tu es dans les trouillous. » Les Bretons appellent ça, les déchets appellent ça les trouillous. « Tu es dans les trouillous quand même. » Boum, regarde. Ici, tout tombe. Hein. Récemment, alors, le plus beau de tous les morceaux, extraordinaire, je trouve, un morceau. Imaginez une poulie géante dont j'ai donc le couvercle. Enfin, vous voyez, une poulie géante, quand je dis elle faisait plus de 2 mètres, 2 mètres 20 peut-être, qui était sur un bateau. Et un artiste sur le bateau l'a sculpté. Alors, c'était de la sculpture arbre-brut, mais il était magnifique. 10 à 15 cm d'épaisseur, le diamètre 2 mètres 10 peut-être, trouvé juste là sur la plage. Le plus beau pincé de ma vie, qui est resté donc sur un bateau très longtemps, tombé en mer, donc ayant pris une patine. Et donc, oh là là, j'étais heureux. Problème intransportable. Beaucoup trop lourd, quoi. Alors, voilà qu'un bulldozer passe. Je dis, voilà, je vais vous demander un service. J'ai trouvé un morceau, j'explique. Est-ce que vous pourriez me le transporter jusqu'à mon atelier? Il me dit, ben monsieur, vous n'avez pas de chance parce que je ne peux pas le faire aujourd'hui, c'était un samedi. Imaginez-vous que le lendemain, je suis venu m'assurer qu'il était en place. Il avait disparu. Il avait les traces du bulle et il l'a récupéré pour lui, quoi. Le pincé, c'est la mémoire de la mer et ce qu'en font les hommes. Parce qu'en fait, le pincé est marqué par aussi l'usage qu'on fait de tout ce qui tombe en mer, quoi. Avec ma femme, on y allait tous les jours, ne serait-ce que quelquefois une heure ou deux. Hein. Et donc, on a une plage qu'on a appelée notre plage, où il y avait toujours des trésors formidables dessus. Mais c'est inouï, il y a 10 fois moins, 20 fois moins qu'avant. Il n'y a presque plus rien. Notre-Dame des Léonards, que du moins je baptise-t-elle, bonne sainte de nulle part, je fais un vœu sur ton autel. Maudit le phare de l'île Vierge qui sauve les navigateurs. Fais couler pour nous les navires, qu'ils viennent se briser au choc de leurs proues sur nos rocs. Fais couler le vin par barrique, nous le boirons dans nos sabots. Tout le pays aura sa cuite, bonne sainte qu'il fera beau. Et maudit le douanier surtout, qui toujours vient troubler nos fêtes. L'huile, le bois, l'or, le vin, tout. C'est à nous par droit de conquête. C'est notre droit de bonne prise. Ah, l'infamie du temps présent. Qu'un bateau devant nous se brise, c'est Dieu qui nous fait ce présent. Alors, la prière du Pagan, c'est une prière qui a été écrite par Auguste Bergotte dans une revue qui s'appelle « Au pays de mes ancêtres » en 1934. Le pays dans lequel je vis et sur lesquels mes recherches ont porté régulièrement, eh bien, il s'agit du pays pagan et maintenant on y adjoint également le pays des Abers. Alors les Abers, attention, c'est l'Aber Benoît et l'Aber donc Vrac. Et ensuite donc le reste du pays pagan, ça part de Plouguerneau et ça donc rejoint la commune, on va dire d'aujourd'hui, de Goulvin. Voilà. Bon, c'est une côte très très particulière qui est fortement marquée par la mer, évidemment, et dont les habitants également pendant longtemps ont été pointés du doigt pour différents motifs. Bon, du fait que il faut dire que le secteur était enclavé, justement séparé par ces abers qui constituaient des barrières naturelles et dont la réputation était sulfureuse. En particulier, on leur reprochait d'être des pilleurs d'épaves, voire même dans certains excès, des naufrageurs. Jean-Pierre Irien, historien. Bon, d'abord, il y a un fait qui est absolument véridique, c'est que tout ce qui concerne l'encadrement des naufrages, des pillages, tout cela a été décidé à l'époque où la monarchie se renforce d'une manière importante, c'est-à-dire sous Louis XIV, et en particulier avec Colbert. Alors, à partir de 1680, il va établir toute une série de lois, et une de ces lois, justement, précise, il y a un article qui précise, tout individu qui sera pris en flagrant délit à allumer des feux sur la côte, dans le but de faire venir à la côte justement un navire, et ensuite pour pouvoir le piller, cet individu-là, eh bien, sera mis à mort sur les lieux de son méfait. Voilà. Ça, c'est le point de départ. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a jamais trouvé un seul élément qui va dans ce sens. Tous les procès-verbaux de l'amirauté, par exemple, à l'époque de la monarchie, il n'y a pas une seule fois où on voit tel bateau est venu à la côte suite à un feu qui fut allumé. Donc il n'y a aucune preuve sur ce sujet-là. Alors ensuite, il y a des régions qui ont été beaucoup plus versées dans le pillage, dont le pays pagan. Alors à partir du moment où vous avez beaucoup de pillages, eh bien vous vous dites il y a là des bandes qui sont organisées, d'accord? Il y a des gens qui sont nombreux sur les plages lors de l'arrivée d'un bateau. Alors vous prenez par exemple le naufrage du Neptune en janvier 1792. En fait, c'était un navire marchand anglais qui avait quitté donc le sud de l'Angleterre, qui a été pris dans la tempête et qui s'est fracassé donc au niveau de la Grève Blanche. Donc c'est une des grèves de Plouguerneau. Et à l'intérieur, eh bien, il y avait de tout. Il y avait aussi bien de la quincaillerie, donc des étoffes précieuses, etc. Donc une cargaison qui, pour l'époque, avait été évaluée, maintenant est-ce que le chiffre est exact, aux alentours de 1 800 000 livres. D'accord ? Donc quelque chose d'absolument important. Et donc cette cargaison-là, on a le procès-verbal des douaniers du Corréjou. Donc Corréjou, c'est le port de Plouguerneau. Et donc ils arrivent sur la grève, le Crankenok, alors c'est la grève du crabe en breton. Et donc ils découvrent, ces quatre douaniers découvrent un spectacle absolument ahurissant. Des centaines de gens là qui ont été alertés par le on-dit, le ceci, cela. Alors quand on a les procès-verbaux, on leur demande qu'est-ce que vous êtes venu faire là. Ah, on est venu voir le spectacle, on est venu parce qu'on nous a dit qu'œil. Et quand on leur dit, mais vous êtes en train de piller, ah non, on ne pille pas, nous. On sauve des eaux, on retire des flots, de façon à se dédouaner, si vous voulez, de l'acte délictueux. Donc chacun a une attitude de déni et de refus de la vérité. Donc ce pillage va durer longtemps. Alors on pille d'une manière logique, même si on est d'horizons différents, je peux tout de suite préciser, vous avez beaucoup de gens du milieu maritime, vous avez beaucoup de gens du milieu agricole, vous avez de temps en temps des notables qui pillent aussi, pourquoi pas, jusqu'au moment où les événements traînants, les Anglais commençant également à se manifester. Qu'est-ce qui est devenu le navire? Qu'est-ce que vous faites pour essayer de le sauver? Donc on va faire venir eh bien une troupe de choc, comme ça se faisait des fois, de Brest. Bon, Brest, là, hein, la ville républicaine, parce qu'ici on est plutôt dans une tendance, on va dire, droite, tisante, si on peut utiliser le terme pour l'époque. On défend le curé, les curés qui deviennent réfractaires, hein, d'accord. Donc vous avez un milieu qui est plutôt hostile à tout ce qui est autorité, en particulier autorité de la ville. Donc ils sont accueillis eh bien, comme il se doit, à coups de fusil, à coups de galet, à coups de bâton. Donc comme tout ça, c'est un petit peu, on va dire, mal fagoté, on va envoyer un juge de paix, brestois. Et celui-ci va arriver avec une colonne forte d'une centaine d'hommes. Et celui-là, il s'appelle Dandin, un homme à poigne. Et donc il va très rapidement reprendre la situation en main. Alors reprendre la situation en main, c'est quoi? Eh bien, c'est faire des perquisitions chez les gens, procéder à des arrestations, montrer que force va rester à la loi. Donc on va retrouver toute une série dans les chaumières, dans les recoins, dans les talus, dans les, ce qu'on appelle nous dans les granges également, les toules à pincer. C'est le trou par lequel on va glisser les poutres, récupérer les objets donc que l'on va dissimuler dans ces abris qui sont à côté des maisons. Bon, évidemment, depuis un moment, le naufrage avait, tout au moins l'épave avait cessé d'exister, étant donné qu'elle avait été reprise par la mer d'une manière tout à fait inespérée pour les autorités. Alors le fait d'être intervenu comme ça et d'envoyer eh bien des soldats sur place va ramener le calme. Et les Pouguernéens, ayant tellement pris peur, vont se mettre d'eux-mêmes à restituer les objets qu'ils avaient pillés devant la mairie qui venait nouvellement d'être inaugurée. C'est vrai que c'est l'hiver, il faudrait que vous veniez voir l'hiver. Suite à une grosse tempête après, là, effectivement, quand ça a bien remué, là, il peut y avoir pas mal de choses. À chaque fois que je viens avec ma chaîne, moi, je nettoie la plage un peu. Ah, aussi? Ici, quoi. Mais en fin de compte, je ne fais pas attention à tous ces petits déchets. L'hiver, c'est des gros morceaux qu'on retrouve. Voilà. Quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'en dessous. Là, en dessous, les gars. Là, on voit que c'est déjà propre. Mais oui. En dessous, là, il y a de la cam. Quand on venait nettoyer les plages, parce qu'on fait partie de l'association des plaisanciers, on faisait des journées comme ça, des samedis. Ouais. C'est mi-matin, mais on venait avec les tracteurs. Quoi. Bah oui. Okay. On venait avec les tracteurs pour nettoyer les plages. Mais ça, on parle de ça il y a 20 ans. Quoi. Qu'est-ce que vous trouviez à ce moment-là? Pardon? Qu'est-ce que vous trouviez à ce moment-là? Oh, bah, de tout, quoi, de ça aussi. Mais c'est effectivement, donc on ramassait beaucoup plus de grosses choses. Du plastique, des bois, des palettes, entières. On ramasse des choses, des fois, oui, mais qui flottent, quoi, des choses comme ça, des bouées qui viennent à la côte, qu'on ramasse. Quoi. Je récupère, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Est-ce pas ça, là, quoi. Mais ça, ça fait partie de... C'était comme ça avant, hein. Enfin, la fortune de mer, c'est l'idée de quelque chose qui est déposé par la mer, qui donc, comme disait monsieur, n'appartient à personne, c'est une res nullius en droit, donc c'est la chose de tout le monde puisqu'elle est à personne, et qui a quand même une valeur. Donc effectivement, jadis, même le bois avait une valeur, puisque sur les îles, notamment, il n'y en avait pas du bois. Moi, j'ai 42 ans, j'ai fait ça enfant, parce que c'était la tradition, on est du Conquet dans ma famille. Il y a une arrière-grand-tante qui avait récupéré pendant la guerre des centaines de boîtes de cigarettes, et elle a fumé jusqu'à sa mort. Des cigarettes, de l'échouage. Et elle avait ramassé des bouteilles de je sais pas quoi, de Cointreau aussi. Donc il y avait vraiment une tradition comme ça, oui. Archive enregistrée en août 1982 à Plauvent, dans le Finistère. Et vous avez entendu raconter des histoires là-dessus? Des types qui ont fait même. Du feu même, pour tirer les bateaux. Oui. Ah bon? Si. Il y en a un qui est venu là en 1907, en fer. Il est juste en face, là. J'aurais resté là. Bon, mais il y en a d'autres. Il y avait du fût de vin qui venait tout le temps, là. Ou bien du porto. Alors, malheureux, les types, ils étaient forts, tous, en ce moment-là. Hein. Alors, pendant la nuit, là, hop, allez, hop, ramasser. Et puis, le partage se faisait la nuit. On foutait quelque chose sur la fenêtre pour que personne ne voit, hein, pour le partage, là. C'était pas déclaré, ni rien du tout. Alors, un jour, il y a pas mal de fûts qui sont venus. Alors, mon père, qui connaissait bien, puis je suis allé commerçant adjoint au maire. Là, mon père a eu pas mal de vin. Alors, les objets que l'on aille voler, on se les garde pour soi-même, d'accord ? Parce que, bon, ben, on a découvert ici, on n'en a pas parlé pour le moment, mais les objets que l'on recherche le plus, ben, sur un bateau, c'est facile à comprendre. Bon, c'est la cargaison, hein, d'accord ? Ce sont les tissus, c'est le vin, ce sont les alcools. Et puis, sur un bateau, eh bien, c'est le bois, évidemment. Hein. Ce sont les ferrailles aussi, les ferrailles qui, pour les ancres, par exemple, les chaînes, tout ça, c'est récupéré. Hein. Et puis, pratiquement tout est récupéré. Alors, des fois, on découvre des choses absolument inconnues des gens du littoral. Hein. Ce sont des oranges, des citrons. Alors là, bon, on est un peu ébahi de voir tout ça. Ensuite, eh bien, on les cache, comme je l'ai déjà dit, mais également, lorsqu'on en a trop, on les échange. Hein. On échange et puis on vend. On vend aussi. Et on voit que le clergé, eh bien, couvre ses fidèles ouailles, tout simplement en les dédouanant d'une faute quelconque. Vu que la vie est tellement pénible, vu que les gens vivent dans des conditions souvent misérables, faut savoir que, disons, dans les années 1770-80, dans chaque paroisse, vous avez grosso modo 10% de la paroisse qui mendie. Donc, ce qui veut dire que si vous avez une opportunité de vous rendre sur la grève et de ramener quelque chose qui vous fera vivre un peu moins mal, hein, ne serait-ce qu'un bout de mouchoir. On a des gens qui repartent avec un mouchoir rouge, comme ça, voilà. Il est tout content, hein, le bonhomme. On le récupère, eh bien, sur la route de l'Aisne-Vin. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je l'ai pris sur le bateau, le Neptune. Un mouchoir rouge, vous imaginez. Aujourd'hui, vous verriez un mouchoir rouge, vous ne le ramasseriez même pas. Eh ben, on est content de revenir avec ça. Donc, le curé, évidemment, sait que ses fidèles sont en position de faiblesse, donc il les excuse. Va qui va, hein. C'est un don de Dieu, voilà. C'est ce qu'on appelle l'aide armor. Donc c'est une espèce d'omerta qui est visible. Et la justice également, eh bien, ne contribue pas à la répression de ces actes. Mais il faut quand même pas exagérer non plus le nombre de naufrages. Hein. Ça, c'est un élément. Hein. Faudrait pas croire qu'il y a des naufrages à tout bout de champ. Moi, j'ai fait des calculs sur le pays pagan. Hein. Ça vous donne grosso modo tous les 10 ans, vous avez 1,5 en gros bateau qui vient à la côte ici, quoi, qui fait naufrage. Quoi. Donc c'est pas énorme, quoi, d'accord. Ce coin-ci, il est en plus, il est quand même assez typique d'une zone ultra dangereuse. Hein. Bon, quand vous allez sur la côte, bon, il y a des écueils partout, il y a des courants très très violents. Donc, ça peut être aussi certaines nuits des pointes de 10 bateaux qui s'abîment, qui disparaissent. On a donc au cours de ces années vu l'évolution de la quantité de déchets, de la nature de ces déchets, puisque en ce qui me concerne, j'ai commencé il y a 12 ans, et il y a 12 ans, il n'y avait pas tant de plastique. Maintenant, on a quasiment 100% de nos déchets qui sont des déchets issus de l'industrie pétrolière aujourd'hui. 2019, on a ramassé plus de 2 tonnes de déchets, avec donc la particularité que parfois on ramasse 50 kilos de déchets et qu'en fait c'est 40 000 déchets ou 50 000 déchets. C'est-à-dire que quand vous ramassez des larmes de sirène qui sont ces espèces de toutes petites billes de matière plastique qui servent à déplacer la matière plastique, vous ramassez même pas un gramme. Et nous, ça nous arrive très fréquemment d'en ramasser pendant les nettoyages. Donc le poids n'est pas très significatif. Il faut aussi regarder le volume. En hiver, on trouve beaucoup de déchets de la pêche espagnole, déchets de chalut, des gros morceaux de fil vert, des bacs de pêche, des morceaux de bacs de pêche, des yaourts espagnols, du arroz bomba et plein de déchets espagnols. Donc on pense qu'il y a les chalutiers espagnols qui sont au-delà du rail d'Ouessant, mais juste en face d'ici, et que par le biais d'un jeu de courant, les déchets s'échouent ici. On a des déchets assez anciens aussi en matière plastique, des vieilles bouteilles de solvant, des vieilles bouteilles d'eau en état de déliquescence. Et puis on a vraiment du micro-déchet, c'est-à-dire tout ça qui a été pris dans ce qu'on appelle la gyre atlantique, l'espèce de tourbillon du fond de l'eau, et qui ressort sous forme de broyat de plastique. Et donc quand on regarde le sable avec attention ici, eh bien malheureusement il n'y a pas que du sable. Alors là on est en pleine grande marée, donc le phénomène est un petit peu moins criant, mais néanmoins, si vous regardez la laisse de mer ici, bah, c'est très clair, vous allez avoir, ça c'est typiquement une larme de sirène, Donc ces espèces de petites billes de plastique qui servent à l'industrie pétrolière et à l'industrie du recyclage du plastique aussi, puisqu'on fond les plastiques, par exemple en Afrique, et on les transporte sur des vraquiers vers l'Asie. Vous imaginez bien sur des vraquiers la déperdition de ces espèces de petites choses qui pèsent moins d'un gramme. Vous avez là aussi un petit morceau de plastique bleu, donc là a priori ça doit être un morceau de bouchon de bouteille type bouteille d'Evian, et le morceau fait 7 mm sur 4, et des petits morceaux de billes de polystyrène. Et là, on est presque content parce qu'on a trouvé un morceau de plastique de 40 cm sur 15. Mais c'est complètement marginal. Dans le sac où j'ai ramassé des déchets là, en l'espace d'un quart d'heure, eh bien, la grande majorité des choses sont de toutes petites choses. Et vous avez nos déchets traditionnels, vous avez nos amis de la chasse. Ça, parfois, certains nettoyages, on a 50 à 60 cartouches de chasse. Et puis, vous avez le déchet inqualifiable, des morceaux de plastique, on ne sait pas ce que c'est, des morceaux de bac, voilà. C'est clair. Ah, voilà. Ah, ben, un fil de téléphone Garfield, voilà. Avec sa couleur caractéristique, c'est la plage des fils de téléphone Garfield. Ça pousse ici. Ouais, on voit qu'on est à côté de la source. Ouais, exactement. Voilà. Vous nous racontez alors cette histoire ? Alors en fait, le début de l'histoire, bah, on a du mal à le dater puisqu'on n'a pas réussi à retrouver les documents d'époque, mais il semble que c'est il y a 35 ans à peu près, peut-être plutôt 40, un échouage massif de téléphones en plastique orange à l'effigie de Garfield, le chat des bandes dessinées, qui est arrivé sur les côtes du Pays d'Iroise. Ces téléphones apparemment étaient destinés au marché anglais. À l'époque, il y avait une autorité de régulation des télécoms en Angleterre qui avait donné une autorisation de mise sur le marché à un nombre très restreint de modèles de téléphones, une dizaine. Et donc, il y avait un modèle pour jeunes, et le modèle, c'était le téléphone Garfield. Il semblerait que ces téléphones venaient de la mer méridionale de Chine, donc à destination de l'Angleterre, et que à la faveur d'une tempête pendant l'hiver, donc peut-être en 81-83, on ne sait pas trop, on a des pistes, mais pas de confirmation, un conteneur qui contenait ces téléphones ainsi que des télévisions et du bois rouge, donc se soit échoué dans le coin, et qu'il y ait eu un échouage massif de téléphones, un premier. Et puis ensuite, le téléphone a continué à sortir du conteneur, et donc tout le monde a toujours trouvé régulièrement pendant les opérations de nettoyage des téléphones. Et du coup, en fait, on parlait régulièrement de Garfield entre nous, et quand on avait des assemblées générales de l'asso, on disait toujours, bah quand même, ce Garfield, c'est un sujet intéressant. Alors on a commencé à chercher, on a écrit aux journaux locaux, on a écrit à la société qui est titulaire de la licence Garfield aux États-Unis, on a écrit sur les sites internet de collectionneurs de Garfield, etc., pour leur demander s'ils avaient entendu parler d'une histoire de container, s'ils pouvaient dater, etc. Bon. Ça a un peu bougé, mais pas énormément. Et en fait, il y a 2 ans, un paysan qui a sa ferme juste autour, René Morvan, arrive et me dit « C'est toi qui cherches les Garfield ?» Donc je lui dis « Oui », et il me dit « Viens, je t'emmène ». Et il nous a montré la grotte où ce conteneur est étalé, s'encastré. Alors il n'était pas capable de dater exactement, mais à cause d'un drame familial, il pense que c'était à peu près 35 ans auparavant. Donc lui avait souvenir de l'échouage de ce conteneur, qu'une nuit avec son frère, il était allé explorer la grotte et voir ce qui s'était passé, qu'il avait trouvé des téléphones en plastique orange, qu'il en avait remonté un qui était toujours à l'époque chez ses parents et toujours en état de fonctionnement, qu'il y avait aussi donc du bois rouge et qu'il y avait des gens ici sur la commune de Ploirzel qui avaient d'ailleurs fait leur cuisine avec le bois rouge de cet échouage. Et que, bah voilà, ils étaient allés voir le conteneur, ils avaient vu le truc. Bon, le conteneur était dans une grotte, c'était pas très intéressant, il y avait un à sauver, et puis voilà quoi, fin de l'histoire. Ils avaient rien dit à personne et depuis on ramassait des Garfield. Donc là, pour nous, c'est un marqueur très clair de un élément, un événement, et 40 ans après, une pollution qui reste continue avec un seul morceau de conteneur. Donc ça, c'est vertigineux, si vous imaginez qu'on parle aujourd'hui de dizaines ou de centaines de milliers de conteneurs tous les ans. Le problème du déchet généré par le porte-conteneur, c'est que c'est un déchet gris ou noir, enfin d'une certaine manière clandestin. C'est-à-dire que le droit maritime est ainsi fait qu'il y a des accords entre les assureurs qui viennent au soutien des affréteurs et qu'en fait aucun n'a intérêt à ce que les chiffres exacts ressortent et soient connus puisqu'on est dans un système de pollueur-payeur. Donc en fait, s'il n'y a pas de pollueur, il n'y a pas de payeur. Et comme moi je suis affréteur, vous êtes affréteur, tous les deux on a des assureurs, et tous les deux on va faire tomber des trucs à l'eau, si on commence à se retourner les uns contre les autres, eh bien on va faire jaillir ce problème qu'on peut très bien passer sous le boisseau et personne n'en saura rien, et du coup le problème sera inexistant. Ici, bah, on le constate, puisque par exemple cette pollution avec les containers qui se sont échoués dans le Ratsin il y a quelques années, avec ces objets à destination des hôtels, donc des petits plastique qui contenait, qui des tongs, qui un petit matériel de toilette avec une petite lime à ongles, etc. On en a vu énormément juste après ces tempêtes cet hiver-là, mais on en voit toujours. Donc la libération du contenu de ce container continue. Donc qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que la mer a dans ses entrailles? Bah tout ça. Savoir qu'on perd des milliers de containers chaque année dans le monde. François Galgani, océanographe et biologiste pour l'Ifremer. Alors la plupart des containers vont couler en fait. Alors, très peu sont d'abord récupérés, très peu flottent, ou ils flottent pendant un certain temps, mais après, ils ne sont pas étanches, et donc forcément l'eau va rentrer dedans, et très rapidement ils vont couler. Les courants sur les fonds peuvent être violents, donc on n'est pas sûr de les retrouver là où effectivement ils ont été perdus, et encore moins là où ils ont coulé. Mais sinon, le nombre, en fait, c'est le nombre de ceux qui sont perdus. C'est de l'ordre de plusieurs milliers. Il peut y avoir des accidents spectaculaires avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pertes, simplement pour un seul événement. Si vous voulez, un bateau, c'est arrivé dans l'histoire. Globalement, on sait que c'est de l'ordre de 2000 à 3000 containers perdus chaque année. Pour les chiffres les plus raisonnables. Après, il y a des associations qui estiment qu'il y en a beaucoup plus. Mais, parce qu'il y a des comportements, si vous voulez, on surcharge certains navires. Selon les armements, et puis il y a également le mauvais temps qui est la cause principale également des pertes, quoi. Donc selon les routes, évidemment, ça va être plus ou moins marqué, quoi. Alors on estime que ça représente à peu près 10 à 20% des déchets qui sont en mer d'origine maritime. Il faut savoir que les fleuves, si vous voulez, amènent énormément de déchets, notamment tout ce qui est plastique, beaucoup plus que ce qui pourrait venir des navires. Par contre, pour la partie, l'origine marine des déchets, c'est localisé dans des zones qui sont particulièrement affectées, comme l'entrée du rail d'Ouessant, à cause des mauvaises mers et du nombre de bateaux, ce sont des zones qui sont beaucoup plus exposées. Après, ce qui se passe, c'est assez classique, c'est vrai pour des déchets, par exemple, qui sont dans des containers, enfin tous les objets qui sont dans des containers. À une époque, il y avait des containers qui contenaient des petits canards qui avaient été perdus et qui se sont retrouvés dans tout le Pacifique. Il y a eu également des bâtons de dynamite en 1992 ou 93. À l'époque, je travaillais à Nantes et on avait été sollicité et on avait fermé les plages parce que justement, il y avait des arrivées massives comme ça de bâtons de dynamite. Il y avait même un risque, si vous voulez. Il y a eu des sachets de pesticides avec l'accident du Cherbourg, c'était en Manche, et ils se sont échoués sur l'ensemble des côtes de la Somme. Et donc, ça, ce sont le phénomène de dispersion après des pertes de containers, c'est tout à fait classique. C'est vrai que, de temps en temps, ça amène des quantités assez importantes d'objets assez insolites. Mais par contre, les mesures commencent maintenant à arriver. Il y a des mesures qui sont proposées, par exemple, pour essayer de limiter le chargement à risque. Par exemple, imaginez des conteneurs qui contiennent des petits grains de plastique, ce qu'on appelle des granulés industriels, de les charger, si vous voulez, au niveau de ou sous la ligne de pont, de façon à limiter les risques de perte, puisque ce sont surtout ceux qui sont en haut des chargements, si vous voulez, qui sont perdus lorsqu'il y a du mauvais temps. Alors, l'exemple des microplastiques, enfin, des granulés industriels est assez intéressant. Depuis 4-5 ans, il y a dû y avoir déjà 5 ou 6 accidents comme ça, de pertes de containers et d'échouages massifs de granulés industriels. Ça arrive. Donc, typiquement, si vous voulez, pour fabriquer un objet en plastique, il faut le chauffer, le faire fondre le plastique et le mettre dans une presse et dans un moule et dans une presse, si vous voulez, pour lui donner sa forme. Sauf que l'industrie, elle ne peut pas transporter du plastique. Enfin, elle peut le transporter, mais pour faire fondre un morceau de plastique qui ferait 2-3 tonnes, 2-3 mètres cubes, ça demanderait beaucoup trop d'énergie pour arriver au cœur de ce morceau de plastique. Et donc, elle utilise des granulés qui font 5 mm, qui sont très faciles à chauffer. Donc, le transport maritime du plastique qui sort des raffineries se fait sous forme de granulés. Ce sont des sacs qui font 25 kg et qui représentent 6 millions de grains, si vous voulez, qui font 5 mm de plastique. Ce que d'ailleurs, certaines associations appellent les larmes de sirène, ce qui est très amusant, comme très imagé, si vous voulez, comme symbole, quoi. Typiquement, lorsqu'on perd un conteneur qui transporte des granulés industriels, là, il y a un risque, si vous voulez, de véritables marées blanches, comme il y a eu des marées vertes ou des marées noires dans le passé, où il y en a toujours d'ailleurs, d'avoir ces espèces de marées de granulés de plastique. Et là, il y a un véritable risque, d'abord pour l'ingestion par la faune et autres, et puis parce qu'il y a aussi des problèmes de nettoyage, quoi. Donc ça, ce sont des réglementations qui sont discutées, qui devraient être instituées par l'Organisation Maritime Internationale, et on aura peut-être la chance de voir moins de plastique arriver sur les plages, quoi. fait de la navigation hauturière, peut-être le premier constat, c'est effectivement le rien, hein, le rien de l'océan. Et dans ce rien-là, d'une façon assez aléatoire, un peu intempestive aussi, viennent ponctuellement, quand on navigue au large, et ce, quels que soient les endroits dans le globe où on se trouve, ponctuellement, on croise un objet familier ou quelque chose de familier, une couleur, du blanc, du gris, du rouge, qui flotte, une familiarité un peu inquiétante, puisqu'on se rend très vite compte qu'il s'agit de déchets plastiques, qui sont littéralement présents partout sur les océans, a fortiori en zone littorale, mais aussi au beau milieu des océans, et notamment dans les zones de convergence des courants marins qu'on appelle les grands gyres océaniques. En 2009, au moment où je m'engageais dans un travail de thèse dédié à l'étude du tri sélectif, notamment, et des pratiques de tri sélectif dans des milieux contraints, en même temps, j'avais engagé un projet associatif dédié à l'identification d'une concentration de déchets plastiques dans l'Atlantique Nord. Et donc, je me suis retrouvé à embarquer sur un bateau qui allait devenir mon lieu de vie pour un an, parti à la découverte de ces agglomérations de restes de supermarchés dans les océans. Ce voyage, j'étais pas seul pour le faire. On était quatre à bord. On est parti à la découverte d'une métaphore, d'essayer de comprendre ce qui se cachait derrière cette métaphore, cette image du continent de plastique. Parce que en partant, on savait bien qu'il n'y allait pas avoir une île sur laquelle on allait pouvoir planter notre drapeau. Donc, j'allais dire le sublime de la catastrophe, l'espèce de fascination qui peut être moteur dans cette démarche, en tous les cas, qui a été la mienne au départ, elle a été battue en brèche par, en fin de compte, cette expérience de la navigation qui a été beaucoup plus rude que ce que je m'étais imaginé et qui m'a renvoyé effectivement à notre condition de terrestre. L'océan n'est pas fait pour accueillir la vie humaine et n'est pas fait littéralement pour accueillir nos déchets. Et du coup, il a fallu un an en un sens de voyage en mer, pour comprendre à quel point il était indispensable de documenter et de comprendre les mécanismes qui se jouent à terre de consommation, de production, les effets néfastes du capitalisme libéral, les effets délétères de cette course à la croissance. Mais ce sont des choses qui sont arrivées a posteriori, après, en un sens, une perte d'illusion un peu romantique, de cet espoir de partir découvrir l'ailleurs et de retrouver et de retomber sur des bouteilles d'eau et du même, quoi. Vous êtes parti d'où? On a fait Bretagne-Bretagne via l'Espagne, la Corogne, le Portugal. On a glissé à Madère, les Canaries. Canaries ensuite, Sénégal. Cap-Vert, Tobago, sud des Caraïbes. On est monté jusqu'à Cuba. Et après, on a vraiment fait la partie hard du travail, c'est-à-dire qu'on est rentré dans ce qu'on appelle le triangle des Bermudes, c'est en fait la mer des Sargasses, qui est une zone de convergence des courants, une petite zone de convergence des courants, qui est connue parce que pullule dans cette mer sans littoral des algues, la Sargassum, qui effectivement a tendance à attraper tout ce qui flotte à la surface. Donc dans cet espace-là, entre les Bahamas, la Floride et les Bermudes, on retrouve effectivement des quantités beaucoup plus visibles, beaucoup plus spectaculaires de déchets que dans le reste de l'océan. Et donc on a passé pas mal de temps là à faire des ronds dans l'eau pour essayer de faire des prélèvements, quantifier, mesurer les déchets produits. Et puis on a fini après aux Bermudes, les Açores et puis à nouveau la France. 19 000 milles pour 50 litres de carburant. Pas mal. Jules Verne, lui, avait déjà décrit les cordages, les planches, fait tous les objets liés aux activités humaines qu'il attribuait à l'époque, comment dire, aux grands fleuves, notamment le Mississippi. Et avec le temps, on s'est aperçu quand même que c'était surtout les courants qui les amenaient là, quoi. C'est dans le chapitre « La mer des Sargasses de 20 milieux sous les mers ». Cette mer qui, en fait, est une zone de convergence. Les physiciens savent maintenant que les courants font converger tout ce qui flotte dans cette zone. Ça porte le nom, d'ailleurs, de mer des Sargasses parce que les sargasses sont des algues flottantes et... comme les petites méduses, les petites tortues et autres, si vous voulez, vont s'accumuler dans ces endroits. Et depuis quelques dizaines d'années, on a également tout un ensemble de déchets plastiques. Mais l'explication, elle est relativement simple, en fait. C'est au niveau de l'équateur, vous avez des courants qui poussent toujours les eaux à cause des alizés, les vents, qui poussent toujours les eaux vers l'ouest. C'est plus ou moins marqué, avec parfois des contre-courants. L'épaisseur de courant est plus ou moins variable. Mais ce qu'on appelle la circulation résiduelle, c'est-à-dire moyenne, est toujours dans ce sens-là. Et donc l'eau est amenée de l'est à l'ouest et a tendance à monter quand elle arrive à l'ouest, notamment dans le golfe du Mexique. Et évidemment, comme il faudrait beaucoup trop d'énergie pour qu'elle monte jusqu'au ciel, elle est obligée de s'échapper, elle ne peut pas continuer à monter comme ça indéfiniment. Et donc, elle génère un courant qu'on appelle le Gulf Stream, que tout le monde connaît. Et ce courant, en fait, qui vient du Golfe du Mexique, qui se transforme en dérive nord-atlantique et il revient sur les côtes européennes. Et une partie va aller vers le nord pour combler un déficit en eau, et une partie va venir à l'équateur parce que l'eau est déjà partie, si vous voulez, à cause de ces vents. Et donc, il y a une différence d'altitude entre l'ouest et l'est, et cette circulation, elle permet de compenser un petit peu, justement, ce mouvement des eaux. On appelle ça des courants géostrophiques. Il y en a cinq, et cinq zones de convergence. La mer de Sargasse est connue pour l'Atlantique Nord, mais il y a des zones de convergence également dans le Pacifique Nord, dans le Pacifique Sud, dans l'océan Indien, pas très loin de la Réunion d'ailleurs, de l'île de la Réunion, et puis dans le Pacifique Sud. Et un petit peu comme dans un lavabo, si vous voulez, un vortex, si vous mettez de la mousse au milieu du lavabo, elle va s'accumuler au milieu lorsque le lavabo se vide. Là, c'est la même chose, mais c'est à l'échelle d'un bassin océanique, si vous voulez. Et donc, dans cette zone centrale, une zone ce qu'on appelle de convergence, là, s'accumule tout ce qui flotte, donc les anguilles, les tortues, les déchets, et puis depuis peu, les plastiques. Le plastique représente à peu près 80% des déchets qui sont en mer. Et pour les plastiques, à peu près 50-60% sont des plastiques usagéniques. C'est-à-dire, vous savez, des produits de grande consommation, les sacs de distribution des grandes surfaces. C'est de la vaisselle, par exemple, c'est des touillettes, ce sont des cotons-tiges, des choses comme ça. Tous les plastiques et usagéniques, parce qu'ils sont faits pour être utilisés très rapidement et très souvent jetés ou abandonnés. Ça veut dire que si on veut agir sur les déchets marins et les limiter, on a intérêt à agir, si vous voulez, sur ce type d'objets à usage unique. Sinon, vous avez des déchets qui viennent des activités maritimes, comme la pêche, qui génère quand même beaucoup de déchets, des morceaux de filets, ce qui est rejeté des navires, vous savez, ces boîtes de polystyrène qu'on utilise, par exemple, pour le transport et à la maintenance des poissons. Eh bien, on les retrouve dans certaines zones, les zones aquacoles, par exemple, en quantité phénoménale. Voilà, et globalement, tout ça, ça représente l'essentiel des déchets marins. En fond et en surface, c'est la même nature des déchets ? Pas tout à fait. En fait, les plus légers restent en surface très longtemps. Ils peuvent couler pour des raisons diverses. Il y a du fouling, des espèces qui se fixent dessus, par exemple, ou la dénaturation va faire qu'ils s'alourdissent. Mais globalement, ils vont rester quand même pendant relativement longtemps en surface. Et puis, une partie, ceux qui sont très très denses ou ceux qui ont des composants qui les alourdissent, vont descendre sur les fonds. Et on estime qu'il y a plus de 95% des déchets qui sont sur les fonds par rapport à ce qu'on voit en surface. Vous avez des plastiques qui ont vieilli pendant très très très longtemps en mer, donc qui vont s'alourdir parce que là ils ont une perte de densité, ils ont une augmentation de densité, ils vont s'alourdir et aller sur les fonds. Et puis vous avez des objets en plastique, en polymère si vous voulez plutôt, comme le PVC, qui vont tout de suite couler parce qu'ils sont de toute façon de densité supérieure à celle de l'eau de mer. Comment vit la matière dans l'eau selon si c'est du métal, du plastique Ce qu'on sait, c'est que certains matériaux comme le verre par exemple sont inertes, ils sont là pour des milliers d'années. Vous savez, les amphores qu'on trouve en Méditerranée, là sur les sites archéologiques par exemple, ce ne sont ni plus ni moins que des vieilles bouteilles de vin ou d'huile. Elles sont là depuis plus de 2000 ans pour certaines, si vous voulez. Et donc, on sait très bien que des céramiques, des verres par exemple, peuvent rester très très longtemps. Pour les plastiques, en fait, ça dépend de leur nature, leur composition, mais également de leur épaisseur. Un sac très très très fin, si vous voulez, pourrait se dégrader en l'espace de quelques années sans problème. Par contre, des plastiques très épais et très denses pourraient mettre plusieurs centaines d'années pour se dégrader, quoi. Et donc le cycle de la vie du plastique en mer, d'abord il est très très très peu connu si vous voulez, mais il est très complexe parce que justement il y a des circuits qui sont très très très différents selon la nature des plastiques, selon leur devenir, selon leur vitesse de dégradation. Par exemple en profondeur, on a très peu d'oxygène et pas de lumière. Et en fait la dégradation des polymères plastiques, c'est favorisé par l'oxygène et la lumière, notamment pour la dégradation notamment bactérienne. Et donc en profondeur, ils vont rester beaucoup plus longtemps. C'est là où on va trouver, si vous voulez, des durées de vie qui sont supérieures à plusieurs centaines d'années. T'as ton couteau ? Donc ici, on a un sac. Donc ça, c'est le bruit très caractéristique du plastique des débuts des années 80. Vous entendez plus de plastique qui fasse ce bruit-là. Hein, c'est un peu creux, quoi, vous voulez dire ? Ah non, c'est du plastique... C'est du solide, quoi. Voilà. Donc c'est Garfield. Donc c'était à l'époque où le plastique était de bonne qualité, entre guillemets. Voilà. Qualité extraordinaire. 40 ans de présence dans l'eau, comme neuf. Voilà le bestiau. C'est un gros chat désagréable, de couleur jaune. D'une façon assez étonnante, le déchet a été abordé comme une affaire d'environnement par les pouvoirs publics qu'au tournant des années 70. On a beaucoup parlé d'un réveil environnemental à partir des années 70-80. Jusque-là, le déchet, sa gestion était d'abord et avant tout une affaire technique qui était allouée aux services municipaux d'hygiène, mais qui se rattachait en rien à des affaires environnementales. La question qui se pose, c'est dans quelle mesure les déchets posent un problème à l'environnement ? Ou autrement dit, est-ce que les pratiques raisonnées de gestion des déchets sont en quelque façon des moyens pour préserver ou pour protéger les milieux naturels des effets de la vie humaine ? La question, elle est compliquée. Il y a évidemment une importance considérable à aborder le déchet comme un vecteur de pollution, de nuisance, de déséquilibre au sein des écosystèmes. Mais la façon dont on a fait des pratiques quotidiennes de gestion des déchets une affaire de protection de l'environnement me semble poser des vraies questions, en termes notamment de stratégie politique, pour faire passer au second plan des questions plus importantes, comme celle justement des systèmes de production, de consommation, qui sont à l'origine de cette surproduction de déchets. Donc, d'où l'importance de retracer l'histoire de cette catégorie matérielle qu'on nomme déchets, pour comprendre comment on a naturalisé, en un sens, cette idée qu'on peut abandonner des choses à des tiers, en l'occurrence aujourd'hui à des systèmes techniques assez complexes, mais cette idée qu'on peut abandonner de la matière pour rien, c'est en fait une chose assez récente et qu'on voit effectivement apparaître historiquement dans le même mouvement que l'industrialisation, que les industrialisations du 19e siècle. Ça, oui, c'est un autre marqueur, c'est des distributeurs de lames. Et donc on a identifié notamment un modèle Gillette Blue des années 60 dont on a déjà trouvé plusieurs dizaines. On se dit qu'on est peut-être sur la trace d'un autre conteneur. Donc tout ça, ça repart. Tout ça, c'est du Garfield. Ça va dans le local. Donc au local, en tant que quoi, archive du... Archive de cette pollution dont on est les témoins, on est les gardiens. Et on a ça à disposition de scientifiques qui voudraient en faire quelque chose. On a... déjà eu des Garfield qui sont partis dans des projets artistiques. Donc il y en a un qui est au musée de Berlin, ainsi qu'une fiole allemande de 1941, puisque c'est un musée qui parle de l'homme, de l'évolution de l'homme, etc. Et donc on a ce Garfield qui est au Conseil de l'Europe. On a aussi un Garfield qui est dans une galerie d'art à Paris. Donc on a aussi les artistes qui nous contactent. Alors les artistes, on leur donne des Garfield, mais on aimerait bien qu'il y ait les scientifiques. Et pour l'instant, pas trop. Dans mes yeux, dans mon rêve, la Notre-Dame des brisants qui jetait à ces pauvres gens un gros navire sur leur grève. Sur la grève des Kerlouans, le sort est dans l'eau, le corps en nage, on en côte, et c'est le point noir. Fortune de mer, avec Claire Simonin, Christian, Baptiste Mont-Saint-Jean, Jean-Jacques Peton, Jean-Pierre Hérien, Pierre, Henri et François Galgani. Archives par le collecteur Joël Montfort de l'association Dastum. Prise de son, Georges Thau, Jean-Benoît Tétu et Manon Houssin. Mixage, Régis Nicolas. Coordination, Perrine Kervran, Marie-Vonne Abolivier et Mathias Mégy. Ce qui reste, vie et mort des objets, une série documentaire de Laetitia Druard, réalisée par Anne Fleury. Thank you. Glaneuse, ramasseur, brocanteuse, biffin, ferrailleuse ou maniaque du tri, LSD, c'est tout pour cette saison. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au bord de la mer, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, c'est la grille d'été qui commence et on vous a concocté un bien joli programme. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à la grille prochaine, il y a les rendez-vous documentaires de France Culture, les grandes traversées, l'expérience, toute une vie et les pieds sur terre.